arrivant sur le sol français pour quitter la misère, arrivant d'Angola pour vivre enfin sur terre, arrivant sur le sol français du dessus des nuages, arrivant d'Angola pour tourner une page. J'ai quitté mon pays envahi de rebelles, j'ai quitté mon pays de mines et de cratères, j'ai quitté mon pays, moi je n'aime pas la guerre, j'ai quitté mon pays, ils ont tué mes frères, mon ami africain, mon ami tabassé, mon ami africain, mon ami exilé, mon ami africain, mon ami sans papier, mon ami africain, ils veulent t'expulser. Mais c'est sur une terre qui n'appartient même pas à nous qu'on ose interdire la venue de l'un d'entre nous. C'est sur une terre qu'on est en train de détruire, qu'on regarde passif tant d'étrangers mourir. Mon ami africain, mon ami tabassé, mon ami africain, mon ami exilé, mon ami africain, mon ami sans papier, mon ami africain, ils veulent t'expulser. Arrivant sur le sol français pour quitter la misère, arrivant d'Angola pour vivre enfin sur terre, arrivant sur le sol français du dessus des nuages, arrivant d'Angola pour tourner une page.